Le démon de Socrate par Eugène Garret de Monglave. Il y a 10 ans environ, je parcourais l'Allemagne avec mon collaborateur Théophile Guignet à la recherche des curiosités archéologiques dont ce pays abonde. J'habitais à cette époque la petite ville de Offenbach, sur la rive gauche du Main, à quelques kilomètres de Francfort. Là, je me liais intimement avec le docteur H., conseiller aulique de la cour de Darmstadt, qui possède une magnifique bibliothèque, riche héritage de ses pères, contenant les livres les plus précieux et les manuscrits les plus rares. Cet excellent homme, dont j'avais su me concilier la sympathie, la confiance, mit à ma disposition son trésor pour tout le temps que durerait mon séjour dans sa ville natale. Cette confiance, il ne l'avait jamais accordée à personne, pas même à sa femme, qui l'aime passionnément. Possesseur de la bienheureuse clé de ce curieux dépôt, qui n'a peut-être pas son pareil au monde, je ne manquais pas d'aller le visiter chaque matin et j'y passais souvent des journées entières. Ce qui avait tout d'abord attiré particulièrement mon attention, c'était un gros livre à couverture de parchemin qui se trouvait à ma portée sur un des rayons inférieurs et au dos duquel on lisait ce simple titre « De viris illustribus antiquitatis ». Du moment que je l'avais aperçu, je m'en étais avidement emparé et depuis lors, il ne me quittait plus. C'était un beau manuscrit, aux majuscules illustrées or et encre de Chine, chef-d'œuvre de quelqu'un de ces habiles artistes calligraphes qui avait précédé la découverte de l'imprimerie. Bientôt, j'obtins du bon docteur la faveur insigne de l'emporter chez moi pour le parcourir à mon aise, et je me rappelle y avoir lu un passage sur Socrate que je vais tâcher de résumer de mon mieux. Socrate, dit le précieux livre, n'a pas été seulement un grand philosophe, ce que tout le monde sait, mais ce que généralement on ignore, un grand statuaire. Fils du sculpteur Sophronisque et de la sage-femme Phénarète, il naquit à Athènes 470 ans avant la venue de Jésus-Christ. Il travailla dès son enfance dans l'atelier de son père. C'était alors un petit être charmant, à la chevelure blonde, soyeuse et bouclée, au front haut, aux yeux bleus et saillants, au nez retroussé, aux lèvres un peu épaisses mais sensuelles et railleuses, tellement espiègle qu'il était devenu la terreur des voisins et des voisines auxquels il ne cessait de jouer de malin tour. Malgré cela, peut-être même à cause de cela, il était devenu l'enfant gâté des amis de sa mère, qui se plaisait à le travestir en amour, et dans une comédie qui fut représentée un jour de fête publique, il joua le rôle du petit dieu ailé avec une intelligence qui obtint tous les suffrages. Que faire pourtant d'un garnement pareil, qui atteignait déjà sa 12e année, et sur lequel tous les vices se développaient avec une précocité telle que la pauvre Phénarète commença à regretter sérieusement de l'avoir mis au monde. Et cependant, il aimait l'étude avec passion. Il fallait prendre un parti. À force de soins et de persévérance, Sophronisque parvint à dompter cette nature rebelle et à lui inspirer le goût de son art au point qu'à 18 ans, il sculptait les statues voilées des Grâces qui excitaient l'admiration de la Grèce entière et méritait d'être placé à la porte de l'Acropole, où Pausanias dit les avoir vus. Dès lors commence à se révéler en lui ce démon familier, ce guide intérieur, dont la voix, s'il faut l'en croire, réglait toutes ses actions et joue un si grand rôle dans sa vie. Que ce démon qui a été chez les anciens et chez les modernes le sujet de tant d'études et d'un grand nombre d'hypothèses oiseuses, fut, dans la pensée de Socrate, un génie protecteur, ou que nous ne devions y voir que la personnification d'une conscience tendre et d'une intelligence méditative, nul ne le sait, nul ne peut le dire, mais qu'importe. Ce qu'il y a de certain, c'est que le jeune statuaire se figurait déjà un être suprême, tout-puissant, unique, d'une sagesse, d'une bonté absolue, et les preuves de sa croyance, il les puisait dans l'étude de l'harmonie du monde et de l'admirable organisation du corps humain qu'il regardait comme l'abrégé de l'univers. Les dieux de son pays n'étaient à ses yeux que des manifestations de ce grand inconnu, germe fécond de ce monothéisme que devait plus tard professer Platon et dans lequel le romain Cicéron résumerait un jour toutes les croyances de la Grèce antique. Mais la législation d'Athènes, à peu près nulle quant à la morale, était précise et sévère pour tout ce qui touchait à la religion. Elle prononçait la peine de mort contre le citoyen qui, sous le voile d'une manifestation quelconque, porterait la moindre atteinte au droit dont elle investissait les dieux. Le ciseau de Socrate n'attaquait pas, il est vrai, directement la religion de sa patrie, mais celui qui le maniait rêvait déjà, dans son fort intérieur, l'épuration des vieilles croyances et au Jupiter corrompu, souillé de toutes les faiblesses, de tous les vices de la créature, la substitution d'un dieu parfait, n'ayant en vue que le perfectionnement et le bonheur de l'humanité. N'était-ce pas battre en brèche le polythéisme? N'était-ce pas attirer sur lui l'attention et la surveillance des prêtres? Toutes les statues, tous les groupes qu'il enfantait, témoignaient ouvertement, à son insu peut-être, de cette tendance. C'était à qui viendrait voir dans son atelier son Jupiter, créature unique du ciel et de la terre, ainsi que l'homme qu'il avait fait à son image, sa Vénus pudique, son amour sans arc, sans flèche, sans bandeau, protecteur des tendres penchants, conciliateur des âmes qu'attire une douce sympathie, sa puissante si belle, aux mamelles fécondes, propagatrice et conservatrice des moissons et des fruits, et bien d'autres encore. Xanthippe, qui devint plus tard sa femme, Myrto, qui fut sa rivale, la chaste et vertueuse Aglaé, la courtisane Théodota, les athlètes Cébès et Milon, furent des premiers modèles. Le riche Athénien Criton encourageait ses travaux et venait le visiter souvent dans son atelier. Un jour, il le trouva entouré de livres d'anatomie. « Je croyais, lui dit-il, trouver le jeune Socrate travaillant à quelque nouveau chef-d'œuvre de statuaire, mais je vois, à ma grande surprise, qu'il préfère le scalpel à son brillant ciseau. » « Beaucoup d'artistes pensent comme vous, seigneur Criton, » lui répondit le fils de Sophronisque, « et à mon avis, ils ont tort. L'anatomie, selon moi, rentre pour beaucoup dans la sculpture, et nul ne peut espérer d'y réussir s'il ne la connaît pas. C'est la clé du sanctuaire. Vouloir s'y aventurer sans en posséder au moins quelques notions, c'est ressembler au philosophe qui essaierait de manier le stylo sans avoir appris à lire. » Criton fut de son avis. « La statuaire, » poursuivit Socrate, « a pour but de reproduire fidèlement, énergiquement, au dehors les sensations, les mouvements intérieurs de l'âme. Or, comment remonter à la source des idées, des passions, si l'on n'a pas étudié à fond le corps humain? L'âme et le corps ne sont-ils pas unis par des liens mystérieux qu'on ne saurait trop méditer? Ce besoin est moins impérieux pour la peinture, qui opère sur une surface plane, à laquelle l'habile harmonie des couleurs peut seule donner ce relief que la statuaire possède par elle-même. Et puis, ces couleurs, quelque vivaces que nous les supposions aujourd'hui, n'auront, croyez-le bien, qu'une existence éphémère. On a beau faire, le temps ne manquera pas de les détériorer à la longue, tandis que les œuvres de la sculpture vivront à jamais et atteindront tôt ou tard le but philosophique qui les a inspirées. Seule la pierre, le marbre et l'airain sont immortels. Voyez mes grâces voilées, mon Jupiter, ma Vénus, mon amour, ma Cybèle. Il y a là autre chose que des œuvres plus ou moins réussies. Il y a une idée. Les vieilles croyances qui ont fait leur temps. Un nouveau soleil se lève à l'horizon pour éclairer les intelligences. C'est offenser les dieux que de leur prêter nos faiblesses et nos vices. Le grand inconnu, l'être suprême, Dieu, appelez-le comme vous voudrez, est un, immuable, éternel, tout-puissant, infiniment bon, n'ayant en vue, je l'ai souvent dit, et mon cœur me le montre ainsi de plus en plus, que le perfectionnement et le bonheur de l'espèce humaine. Tous ces produits de votre imagination, que vous avez revêtus d'une partie de son autorité et jugés dignes du culte des mortels, ne sont que des manifestations de l'être suprême inconnu par vous arbitrairement divinisé. Criton était un homme sage et prudent, ami de son repos, respectant avant tout, en présence de ses concitoyens, la religion de l'État et les lois de son pays, quoiqu'intérieurement il en fît très peu de cas. Il démontra amicalement à Socrate qu'il entrait dans une mauvaise voie, au bout de laquelle sa perte était infaillible. « Voyez, dit-il, Glycon, voyez Alcamène, Myron, Agasias, Apollonius, Cléomène, Polyclète, Sisype, Praxitèle, voyez Phidias, voyez tous nos statuaires officiels, ils ne s'écartent pas des sentiers du polythéisme. Aussi, les commandes pleuvent-elles chez eux. Ils sont tous, avec infiniment moins de talent que vous, sur le chemin de la fortune. Et non seulement le gouvernement de la République, qui journellement a recours à eux, fait couler le pactole dans leurs ateliers, mais encore tous les citoyens bien-pensants, qui n'ont pas d'autre opinion que celle du plus fort, assiègent sans relâche leurs portes pour en obtenir au poids de l'or une œuvre quelconque dont ils sont incapables d'apprécier la valeur. Vous direz ce que vous voudrez, seigneur Criton, mais vous ne me verrez jamais suivre leur exemple. On aura bien de la peine à me persuader que c'est en rampant qu'on arrive. Que les dieux immortels me gardent de vous donner un aussi lâche conseil, mais à défaut d'autres mobiles, si vous ne pensez pas à votre intérêt, songez au moins à votre sûreté. Les prêtres ont les yeux sur vous. Ils sont faux, méchants, hypocrites et rancuneux. Leur pouvoir est immense. Le gouvernement lui-même, enchaîné à leurs hôtels, n'agit que par leur impulsion. Ils ont fait boire la ciguë à plus d'un honnête citoyen. Craignez que le même sort ne vous attende. Socrate traita d'exagérer les appréhensions du riche patricien et ne fit qu'en rire. Mais Criton, qui avait des intelligences en haut lieu, tint bon, et par amitié sincère pour le jeune sculpteur, persista plus que jamais dans ses sages avis. L'orage, cependant, s'amoncelait à l'horizon. La foudre grondait de plus en plus sur la tête de Socrate. Les mêmes conseils lui venaient de divers points. Les prêtres de Jupiter s'étaient assemblés. Ils délibéraient sur le parti qu'ils avaient à prendre à son égard, et de toutes leurs délibérations sortait cette sentence sans appel, ou la cessation prompte et complète de toute statuaire monothéiste, ou la ciguë. Criton, saisi d'épouvante, vint le trouver. Ayant fait de vains efforts pour le convertir à l'art officiel, l'engagea fortement à abandonner la carrière de la sculpture où de si beaux lauriers l'attendaient pour se livrer exclusivement à l'étude des sciences et de la sagesse, mettant à sa disposition sa fortune qui était considérable, l'aide de ses amis qui étaient puissants et nombreux, et sa protection qui n'était pas à dédaigner. Socrate hésitait. Il s'obstinait malgré lui à voir dans cette offre généreuse et sans arrière-pensée un joug pesant qui allait faire courber sa tête et qu'il ne lui serait pas permis de briser. Les prêtres, ne pouvant vaincre sa répugnance, se décidèrent alors à faire parler les dieux. Un oracle vint fort à propos annoncer à sa famille que s'il n'avait hâte d'accepter la proposition qui lui était faite, d'inévitables malheurs le frapperaient dans un prochain avenir. La sage-femme Phénarète était pieuse et crédule. Elle fréquentait assidûment les temples du polythéisme. Elle avait une foi aveugle dans les divinités de sa patrie. Elle idolâtrait son fils unique. Elle pleura, elle pria, elle supplia, elle se jeta plusieurs fois à ses pieds, et Socrate, vaincu, accorda aux larmes de sa mère ce que la crainte eût été impuissante à lui arracher. Sa résolution prise devint inébranlable. Sans laisser tomber sur le passé le moindre regard d'incertitude ni de regret, il s'élança d'un pas ferme dans la voie nouvelle qui lui était ouverte et brisa d'une main pitoyable tous les chefs-d'œuvre enfants de son génie qui faisaient l'admiration de ses concitoyens. À l'aspect de ce sacrifice barbare qu'il ne prévoyait pas, le vieux Criton éclata, le lendemain, en sanglots et ne put s'empêcher de s'écrier « Que la volonté des dieux soit faite !» La Grèce vient de perdre son plus grand statuaire. Les prêtres triomphaient. La ciguë préparée pour Socrate était mise en réserve pour quelque autre ennemi de la République et des autels. Quant à lui, s'abandonnant dès lors aux hautes méditations de la sagesse, il ne s'occupa plus que de rassembler autour de lui tous les matériaux qu'il jugeait devoir lui être nécessaires pour pouvoir aborder avec confiance la solution des grands problèmes de la philosophie. Mais, cédant toujours au même entraînement qu'il lui était impossible de maîtriser, c'est à la philosophie morale et politique qu'il s'attacha de préférence et à laquelle il donna une importance et une direction nouvelle. Quels furent ses maîtres? Les vieux historiens citent Damon, Archélaüs, Anaxagore, deux philosophes d'Ionie. À en croire Platon, il lut avec beaucoup d'ardeur et une rare intelligence les écrits de ce dernier. Mais il sut mettre principalement à profit les fréquents séjours qu'à cette époque les sophistes venaient faire à Athènes. Il ne cherchait pas seulement à approfondir les mystères d'en haut, il se lançait aussi dans le domaine de l'humanité, faisant sa grande étude de l'homme en général et de lui-même en particulier. On le vit bientôt parcourir dès le matin les rues et les places publiques, parlant à tous ceux qu'il rencontrait des devoirs imposés par la véritable religion, traitant du beau et du bon, exhortant surtout ses concitoyens à la vertu. Plus d'une fois, il eut à essuyer les sarcasmes de la vanité et de la sottise, mais peu à peu son cortège se grossit de tout ce qu'Athènes comptait d'hommes distingués et désireux d'apprendre. C'était, en première ligne, son fidèle Criton, Antisthène, Phédon, Aristippe, Alcibiade, Xénophon, Esquine, Euclide, Platon. Ces leçons, données d'une manière neuve, offraient un irrésistible attrait. Enseignant dans les jardins, dans les gymnases, quelquefois même dans les ateliers, il n'abordait pas les principes généraux dont on a coutume de déduire des systèmes. Ce n'était pas un maître qui enseigne, c'était un interlocuteur qui cherchait à s'instruire en instruisant les autres. La question qu'il posait en suscitait une autre, et de question, de réponse en réponse, il amenait son entourage à trouver lui-même la solution du problème, tout en conservant à chaque auditeur son individualité et son indépendance. Rien de plus adroit que les moyens qu'il mettait en œuvre pour forcer ses disciples à convenir de leur ignorance et même de leur mauvaise foi. Rien de plus subtil que l'ironie dont il assaisonnait alors ses raisonnements captieux. C'est tout le secret de la méthode dite depuis socratique de son nom. Mais ce qu'il y a de plus important après la méthode d'un philosophe, c'est sa doctrine. Celle de Socrate embrassait la religion, la morale, la politique. Elle approfondissait particulièrement la psychologie. On l'a vu s'attribuer dès sa jeunesse un génie intérieur dont la voix le guidait, plutôt néanmoins en le détournant des actes qu'aurait pu être nuisible à lui-même ou aux autres, qu'en lui donnant des directions positives, et l'on a cru qu'il n'avait faim de recevoir ses inspirations intimes que pour imiter d'autres législateurs de l'Antiquité, supposition tout à fait gratuite. Non seulement rien dans son caractère ne justifie l'hypothèse d'une fiction pareille, mais encore, dans les résolutions les plus graves de sa vie, c'est à son profit unique qu'il interprète les avertissements de ce génie familier, sans prétendre se servir de son intervention secrète pour exercer aucun ascendant, aucune autorité sur ses concitoyens. La seule domination à laquelle il aspire, c'est à la raison qu'il veut la devoir. Il est donc hors de doute qu'il croyait au conseil de son démon, et plus ses lumières étaient supérieures, plus elles le mettaient à l'abri de toute superstition comme de toute fraude. Sa morale, d'accord avec sa théologie, fondée sur l'existence du grand inconnu, être suprême, unique, créateur et âme de l'univers, était toute religieuse. Il ne reconnaissait pour général et nécessaire que les prescriptions de la raison, qu'il considérait comme une émanation de la volonté divine. « Sois vertueux pour être heureux », disait-il ensuite. « La sagesse est le résumé de toutes les vertus. C'est la source du bon et du beau. C'est le bien-être et le bien-faire. C'est la voie qui mène au bonheur. » Voilà les traits généraux de cette grande et belle éthique, dont il fit une science, qu'il légua à Platon, laquelle l'a transmis à l'école d'Aristote. Dans la pratique de la philosophie, Socrate n'attaquait pas directement la religion de sa patrie, pas plus qu'il ne l'avait attaqué dans le culte des arts. Mais les prêtres n'en persistaient pas moins à reconnaître en lui le continuateur le plus dangereux de tous ces libres penseurs, qui depuis Thalès lui avait porté de si rudes coups. De là, une haine invétérée. D'un autre côté, les sophistes démasqués et les auteurs dramatiques dont il avait flétri la licence ne reculaient devant aucun moyen pour soulever contre lui les antipathies et les haines populaires. Cela durait depuis longtemps. Les Nuées d'Aristophane, pièce toute saupoudrée d'allusions mordantes à son caractère et à sa personne, farce ignoble, à la représentation de laquelle il eut le courage d'assister, sont antérieures de 24 ans au procès du plus illustre sage de l'Antiquité. Un autre crime de Socrate était de ne pas épargner les institutions populaires d'Athènes, institutions vicieuses en effet, mais chères à la multitude. Il eût dû en signaler les défauts avec douceur, sans irriter inutilement les esprits. Ses censures intempestives soulevèrent contre lui un peuple jaloux de ses droits. Et de ce côté encore, les prêtres soufflèrent le feu de la discorde. « Il n'échappera pas à son sort, disait-il, il faudra qu'il boive la ciguë. » C'était leur idée fixe. Le moment de l'accuser était venu. Il ne manquait plus qu'un chef qui se chargea d'être l'interprète de toutes ces colères amassées. Anitus se présenta. C'était un ennemi personnel de Socrate, qui l'avait blessé en diverses circonstances. Mélitus, poète sans talent, assuma la tâche de le dénoncer comme coupable d'avoir corrompu la jeunesse d'Athènes par des maximes subversives de la Constitution et d'avoir essayé d'introduire dans le culte public de nouvelles divinités sous le titre de génie. Le grand philosophe ne se dissimula pas le danger qu'il courait. mais plein de confiance dans sa vie passée et ne craignant pas la mort, il ne voulut ni descendre aux supplications, ni autoriser de la part de ses amis aucun acte de faiblesse. Qu'avait-on après tout à lui reprocher? Quels avaient été les mobiles de sa conduite? L'amour du beau et du bon, le besoin de se nourrir de la contemplation de l'un et de l'autre, et de les faire prédominer autour de lui au mépris de tous les périls. L'horreur du vice, considérée comme erreur et comme source du mal, une indulgence pleine de bonté pour les défauts d'autrui, jointe à une sévérité extrême pour lui-même, une patience que sa femme Xantippe avait mise à de rudes épreuves, sans la lui faire perdre un instant, l'intrépidité héroïque qu'il avait montrée en diverses campagnes, au siège de Protidée, à la malheureuse bataille de Delium, cet invincible courage civil, qu'il avait déployé quand seul de tous les Prytanes, il avait osé braver les fureurs de la multitude en démence, demandant à grands cris la mort des amiraux vainqueurs au combat des Arginuses, parce qu'une tempête les avait empêchés de donner la sépulture aux guerriers tombés dans cette terrible rencontre. Un désintéressement que ses ennemis les plus acharnés n'avaient jamais essayé de révoquer en doute, la tempérance, la modération en toutes choses, une sérénité, une gaieté constante, enfin un respect profond pour le sacerdoce moral que lui avait imposé, disait-il, le grand être, suprême inconnu, dont il s'enorgueillissait de professer exclusivement le culte. Son âme était, du reste, aussi belle que son extérieur était peu avenant. Ce n'était plus le petit être charmant, espiègle, à la chevelure blonde, soyeuse et bouclée, au front haut, aux yeux bleus et saillants, au nez retroussé, aux lèvres épaisses, mais sensuelles et railleuses, que nous avons entrevues au commencement de ce récit. Sa laideur, à l'époque de sa vie où nous sommes arrivés, est un fait attesté par les monuments de l'art autant que par les traditions de l'histoire. Et Platon le gratifie d'un gros nez en l'air, de grosses lèvres épaisses, de gros yeux proéminents, d'un cou gros et court enfoncé dans les épaules, d'une véritable figure de Silène en un mot. Il confessait lui-même avoir eu dans son enfance tous les défauts, tous les vices même, que dans l'âge mûr son extérieur semblait révéler au génie scrutateur du peintre Zopyre. Le moment était venu cependant pour lui de comparaître devant le tribunal des Héliarques, composé d'environ 500 juges, pris dans les derniers rangs de ce peuple qu'il avait tant irrité par ses sévères admonitions. Il refusa d'abord le plaidoyer que Lysias, le plus célèbre orateur du temps, avait composé pour le défendre. Puis, au lieu de chercher par des concessions ou des désaveux à fléchir la rigueur de ceux dont son sort dépendait, il proclama sa foi entière dans son génie intérieur, dont les avertissements secrets étaient à ses yeux mille fois préférables aux indications si prisées du vol des oiseaux, y ajoutant cette menace, « Athéniens, s'il vous plaît de me renvoyer à Psou à condition que je ne philosopherai plus, je vous répondrai sans balancer, je vous honore, je vous estime, mais je préfère obéir à l'être suprême, au grand inconnu qu'à vous, et tant que je respirerai, je ne cesserai de tenir le même langage à tous ceux que je rencontrerai. Comment ne rougissez-vous pas de ne penser qu'à amasser des richesses, à acquérir des honneurs et du crédit, sans vous occuper de votre âme, de votre intelligence et de leur perfectionnement? Et pourtant, malgré cet étrange plaidoyer, il ne lui manqua que 3 voix pour être absous. Déclaré coupable, il pouvait encore, selon la loi en vigueur, qui ne déterminait pas de peine, se condamner lui-même à échanger en un exil, en une amende, la mort demandée par Mellitus. Mais agir ainsi c'eût été se déclarer coupable, joignant donc à ses autres torts une ironie sublime. « Qu'on me conduise au Prytanée, s'écria-t-il, et que pour le restant de mes jours j'y sois nourri aux dépens de la République. » Cette réponse parut à ses juges le comble de l'audace. 80 qui lui avaient été favorables se déclarèrent contre lui. Il fut condamné à boire la ciguë. On n'évite pas son sort. La prédiction sinistre de Criton, la menace implacable des prêtres s'accomplissait. Pour éloigner de ses lèvres l'ambroisie de la mort, le jeune Socrate, cédant aux larmes de sa mère, avait renoncé à la statuaire et brisé les œuvres sublimes de son ciseau. La fatalité conduisait le vieux Socrate au même but par une autre voie. Sa destinée était écrite là-haut. Il le comprenait fort bien et ne s'en irritait pas. Un de ses disciples s'était approché de lui au moment où on le ramenait en prison et lui témoignait la douleur qu'il éprouvait de le voir mourir innocent. « Aimerais-tu mieux, lui répondit-il, me voir mourir coupable ? L'exécution fut cependant différée jusqu'au retour de la galère sacrée qui allait partir le lendemain porter les offrandes des Athéniens au temple d'Apollon à Délos, la loi défendant de mettre personne à mort pendant qu'elle était en mer. 30 jours s'écoulèrent ainsi, 30 jours durant lesquels le philosophe continua à instruire ses disciples avec autant de présence d'esprit, avec autant de tranquillité d'âme, qu'avant sa condamnation. « Les prêtres, leur disait-il, peuvent me tuer. Je les défie de me faire le moindre mal. » Enfin, le dernier jour de Socrate se leva. On va l'avertir de se préparer à la mort, et on lui ôta ses fers. Ses disciples et sa famille arrivèrent. Ils trouvèrent dans sa prison Xantippe, qui tenait entre ses bras le plus jeune de ses enfants et qui s'abandonnait aux manifestations du plus bruyant désespoir. On fut obligé de l'arracher de ce lieu de désolation. Alors commença ce célèbre entretien sur l'âme humaine, dont, sous le titre de Phédon, Platon nous a conservé l'esquisse ou l'amplification. Cependant, le crépuscule annonçait au grand philosophe l'approche de sa dernière heure. Il ordonne de broyer la ciguë dans la coupe qu'on lui apporta, qu'il prit d'une main ferme et qu'il vida lentement, d'un air calme au milieu des cris déchirants de ses disciples. Il se mit ensuite à se promener en causant avec eux jusqu'à ce qu'il sentît ses jambes s'apesantir. Puis, se couchant sur le dos, « Criton, dit-il à son ami le plus fidèle, qui fondait en larmes, rappelez-vous que nous devons un coq à Esculape. Je vous charge de ce legs, n'oubliez pas ma dette. » Était-ce bien d'acquitter réellement au dieu de la convalescence que s'adressait cet hommage? Et Socrate, en ce moment solennel, envisageait-il la mort comme la fin de tous les maux? Nul ne le sait. Quoi qu'il en soit, soucouvrant la tête de son manteau pour dérober à ses disciples les dernières angoisses de son agonie, il expira tranquillement, sans convulsion, l'an 400 avant Jésus-Christ. Les Athéniens se repentirent bientôt du jugement inique qu'ils avaient rendu contre le plus illustre de leurs concitoyens. Ses accusateurs, ou plutôt ses bourreaux, n'échappèrent pas à la vindicte des lois. Une statue de bronze fut élevée à leur victime, réparation tardive et inutile. Le plus grand philosophe de l'Antiquité, qui put en être aussi le plus grand statuaire, avait cessé de vivre, frappé par la haine des prêtres du poléitisme, pour avoir osé annoncer un être suprême unique, tout-puissant, éternel, infini, incompréhensible, créateur de l'univers et du genre humain, gouvernant tout par sa sagesse, sa bonté et sa justice. Les destins étaient accomplis. Ainsi s'achève le démon de Socrate par Eugène Garret de Montglave.